Élégie. Ma sœur, il est parti. Ma sœur, il m'abandonne. Je sais qu'il m'abandonne, et j'attends et je meurs. Je meurs. Embrasse-moi, pleure pour moi, pardonne. Je n'ai pas une larme et j'ai besoin de pleurs. Tu gémis que je t'aime. Oh, jamais le sourire ne te rendit plus belle, au plus beau de nos jours. Tourne vers moi les yeux si tu plains mon délire. Si tes yeux ont des pleurs, regarde-moi toujours. Mais retiens tes sanglots. Il m'appelle, il me touche. Son souffle en me cherchant vient d'effleurer ma bouche. Laisse, tandis qu'il brûle et passe autour de nous. Laisse-moi reposer mon front sur tes genoux. Écoute, ici, ce soir, à moi-même caché, je ne sais quelle force attirait mon ennui. Ce n'était plus son ombre à mes pas attachés. Oh, ma sœur, c'était lui. C'était lui, mais changé, mais triste. Sa voix tendre avait pris des accents inconnus aux mortels. Plus ravissant, plus pur, comme on croit les entendre, quand on rêve des cieux au pied des saints autels. Il parlait, et ma vie était près de s'éteindre. L'étonnement, l'effroi, ce doux effroi du cœur m'enchaînaient devant lui. Je l'écoutais se plaindre, et, mourante pour lui, je plaignais mon vainqueur. Il parlait, il rendait la nature attentive, tout se taisait. Des vents, la laine était captive, du rossignol ému, le chant semblait mourir. On eût dit que l'eau même oubliait de courir. Hélas, qu'avait-il fait alors pour me déplaire? Il gémissait, me cherchait comme toi. Non, je n'avais plus de colère. Il n'était plus coupable, il était devant moi. Sais-tu ce qu'il m'a dit? Des reproches, des larmes. Il sait pleurer, ma sœur. Ô Dieu, que sur son front la tristesse a de charme, que j'aimais de ses yeux la brûlante douceur. Sa plainte m'accusait. Le crime, je l'ignore. J'ai fait pour l'expliquer des efforts superflus. Ces mots seuls m'ont frappé. Il me l'écrit encore. Je ne te verrai plus. Et je l'ai laissé fuir. Et ma langue glacée a murmuré son nom qu'il n'a pas entendu. Et, sans saisir sa main, ma main s'est avancée. Et mon dernier adieu dans les airs s'est perdu.